Les membres du groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine pour célébrer le 7e congrès du Parti travail de Corée ont adressé le 20 courant une lettre au camarade Kim Jong-un. La lettre indique « Le 7e congrès du Parti travail de Corée qui a élu le maréchal à la magistrature suprême du parti et présenté le grand programme pour achever la cause révolutionnaire du Tse brillera jamais dans l'histoire de la patrie comme un congrès de la victoire et de la gloire qui a manifesté dans le monde l'invincibilité de la grande nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il. Pendant les jours du congrès du parti, nous avons éprouvé plus profondément que le maréchal veille avec de grands soins aux ressortissants coréens d'outre-mer et les aime plus que quiconque. Vraiment, il est identique au grand leader, il représente notre vie. Son amour affectueux est le berceau du grand soleil pour tous les compatriotes d'outre-mer, voire de toute la nation. Nous sommes déterminés à développer solidement l'Association générale des Coréens en Chine en une organisation des citoyens d'outre-mer prestigieuse de la Corée du Tse qui soutient fidèlement seulement la direction du maréchal malgré les changements de la terre et du ciel, rend dynamique des ressortissants inspirés de l'esprit du Tse et de l'identité nationale. Au nom du sentiment respectueux et de la volonté fidèle de tous les membres du groupe de félicitations et des Coréens en Chine, nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre peuple, et père affectueux des compatriotes d'outre-mer.